Venir se dit kommen. Kommen. Nous venons. Wir kommen. Wir kommen. Et vous, vous que je vous vois, venez. Sie kommen. Sie kommen. Bien. Venez-vous se dira kommen Sie. Kommen Sie. Oui. Et venez. Kommen Sie. Bien. Encore une fois. Kommen Sie. Kommen Sie. Comment dit-on rester? Bleiben. Bleiben. Nous restons. Wir bleiben. Wir bleiben. Vous restez toujours avec le vous de politesse. Sie bleiben. Sie bleiben. Sie signifie aussi il ou elle au pluriel. Donc, il reste au pluriel, elle reste au pluriel, se dit de la même manière que vous, vous que je vous vois, restez. Sie bleiben. Donc, parfois, il y a un problème de compréhension qui se pose en allemand. En effet, quand vous dites simplement Sie bleiben, cela peut vouloir dire vous restez, le vous de politesse, il reste ou elle reste, il ou elle pluriel. D'ordinaire, si vous vous adressez à quelqu'un et lui dites Sie bleiben hier, vous restez ici, le sens est clair. Mais si vous parlez d'un groupe de personnes et dites Sie bleiben hier, on comprendra que vous voulez dire il au pluriel reste ou elle au pluriel reste. Alors, reprenons. Combien de temps restons-nous, se dit Wie lange bleiben Sie? Restons-nous? Wie lange bleiben wir? Wie lange bleiben wir? Encore une fois? Wie lange bleiben wir? Wie lange bleiben wir? Oui. Et donc, combien de temps restons-nous ici? Wie lange bleiben wir hier? Bien. Wie lange bleiben wir hier? Je reste, se dit. Ich bleibe. Ich bleibe. Bien. Avec je, il suffit en effet d'enlever le n de l'infinitif. Ich bleibe. Je ne reste pas ici. Ich bleibe nicht hier. Ich bleibe nicht hier. Ou bien, ich bleibe hier nicht. Attendez, se dit. Warten Sie. Warten Sie. Encore une fois. Warten Sie. Et maintenant, attendrez-vous ici? Werden Sie hier warten? Bien. Werden Sie hier warten? Et comment diriez-vous « je vous attendrai »,« je vais vous attendre »? Ich werde auf Sie warten. Bien. Ich werde auf Sie warten. Et « je vais rester ici »,« je resterai ici », ça sera Ich werde hier bleiben. Bien. Ich werde hier bleiben. Donc c'est werden qui exprime le futur, un peu comme en français, je vais rester ici, ich werde hier bleiben. Et maintenant, voyons le verbe acheter. Alors, commerçant, marchand en allemand, c'est Kaufmann. Kaufmann signifie marchand, commerçant. Kaufmann. Mot à mot, Kaufmann, c'est homme qui achète, parce que acheter se dit kaufen. Kaufen et Mann, c'est homme. À vous, comment dit-on acheter? Kaufen. Bien, kaufen. Alors, comment diriez-vous je vais l'acheter? Ich werde es kaufen. C'est ça, ich werde es kaufen. Je l'achèterai, je vais l'acheter. Et nous ne l'achèterons pas. Wir kaufen nicht es. Non, ça c'est nous ne l'achetons pas. Wir kaufen es nicht. Alors, nous ne l'achèterons pas. Wir werden es nicht kaufen. Bien. Wir werden es nicht kaufen.